L'histoire de Proserpine de Marie-Odile Ackermann. Proserpine. Dans la forêt peuplée d'arbres majestueux et gaillés de chants d'oiseaux, une maison, une petite maison au toit rouge pointu à la façade ocrée. Dans cette petite et adorable maison vivent un papa, une maman et leur fille Proserpine. Proserpine est une petite fille merveilleuse qui pourrait être encore plus merveilleuse encore si elle n'était pas aussi capricieuse et coléreuse. Tôt le matin, quand le soleil se lève et se réveille, Proserpine se lève maussade, boudeuse, refusant ceci, cela, repoussant ceci, cela, ennuyée, criant, cassant. Maman ne sait plus que faire, et pourtant que de « Proserpine, regarde ce que tu en fais !»« Proserpine, ton puzzle, ramasse-le !»« Proserpine, ta poupée, pitié !» Proserpine, Proserpine, Proserpine. Et Proserpine de regarder et sa maman de ranger, de ramasser. À la tombée d'un jour, où Proserpine s'était ennuyée plus que d'accoutumée, elle part toujours boudeuse et coléreuse se coucher. Proserpine ne trouve pas le sommeil, elle se retourne et se retourne dans son lit. Et décide alors de se lever. Enfile ses chaussons et entreprend la montée vers le grenier où il lui était d'habitude interdit de monter. La porte n'est pas verrouillée. C'était nuit de pleine lune, le grenier était éclairé. Proserpine, émerveillée, découvre de vieux meubles, là un chapeau de paille de riz, de vieux livres, des coffres empoussiérés, une toile d'araignée, et là un très ancien, mais très ancien coffre polychromé. Proserpine est attirée, s'approche, mais qu'est cette petite voix ? Proserpine effrayée recule, interloquée, retient son souffle, et puis décidée soulève le couvercle. Que des habits ! Proserpine fouille et fouille encore, et trouve un petit pied, deux petits pieds. Une merveilleuse poupée, bouche fermée aux grands yeux bleus ombrés de cils noirs auréolés de cheveux blonds, habillée de taffetas rose thé. Proserpine est émerveillée. Elle serre la poupée dans ses bras. Et la poupée lui chante au creux de l'oreille. Je suis une poupée incassable, inimitable. Avec grâce et en cadence, je fais la révérence. Admirez mes blanches menottes, mes papipis, mes papipis, mes papillotes. Je dors en fermant les yeux, je trouve cela merveilleux. Mes toilettes sont parfaites, mes ressorts sont excellents. Je fais tous les mouvements en disant papa, maman. Proserpine prend la poupée dans ses bras et lui dit « Tu seras mon amie et je t'appellerai Joséphine. » Le lendemain, plus un bruit dans la maison. Proserpine se demande si elle n'a pas rêvé cette nuit-là. Joséphine est à ses côtés, les yeux fermés. Elle dort.